approche. À moi autant qu'à sa vie, on a beau rester proche, je dois t'imposer une limite. T'es juste une amie. T'es juste une amie. T'es juste une amie. T'es juste une amie. T'es juste une amie. Alors il est vrai qu'on s'entend si bien. Je peux être ton frère mais pas ton petit copain. Stop stop c'est limite, moi je veux qu'on délimite. Si je veux que tu sois ma copine, c'est que je suis dans un délire. Je crois pas qu'en vrai je suis en love de toi. Je crois que je suis bourré, je crois que je suis bourré. Wesh les mecs, y'a mis trop de vodka dans mon verre. Non, maintenant avec cette fille je dois taper la conversation. Elle s'accroche à moi autant qu'à sa vie. On a beau rester proche, je dois t'imposer une limite. T'es juste une amie. T'es juste une amie. T'es juste une amie. T'es juste une amie. T'es juste une amie. Yeah. Ok. N'était qu'une illusion, comme un rêve lorsqu'on dort. La vérité inavouable, mon entourage se grade. Ces personnes sont coupables, donnant un appart aux nomades. Je suis ce que je suis, je resterai malade. Comptez de salade, si elle veut rien, tant pis. Tant pis si elle est banale, tant pis si mon appui ne vous donne pas la banale. C'est décupé. Elle s'ennuiera sans toi. Elle s'ennuiera avec toi. Elle seule saura pourquoi. Elle s'ennuiera sans toi. Elle s'ennuiera sans toi. Elle s'ennuiera avec toi. Elle seule saura pourquoi. Elle s'ennuiera avec toi. You never wait, oh, the door's right.